J'ai épuisé toutes vos questions. Je n'ai pas épuisé toutes mes questions, hein, frère. Parce que vous voulez avoir laissé les autres parler. J'ai des questions encore, pas une seule. Tu avais dit que tout d'abord c'était la dernière. Frère Junior. Oui. Frère Junior. Frère Junior. Oui, bonjour, Mamadou. Frère. Une dernière question. Oui, mon frère Mamadou, je t'écoute. Frère Junior, non, je voulais te prendre à côté après, quoi. Oui, à côté. C'est important, ouais. À côté, Jésus. Ouais, c'est important, ouais. Oui, moi aussi. Écoutons la voix. Jésus.